Dans sa lettre à Ménécée, l'un des rares textes qu'il nous reste du philosophe Épicure, celui-ci écrit « Le plus effroyable des maux, la mort, n'est rien pour nous. Étant donné précisément que quand nous sommes, la mort n'est pas présente, et que quand la mort est présente, alors nous ne sommes pas. Et pourtant... » En Ukraine, climat beaucoup moins apaisé pour recevoir les rapatriés de Wuhan. Oui, des manifestants, par peur du coronavirus, sont tout simplement affrontés dans le centre du pays les forces de l'ordre pour bloquer la route qui devait ramener des Ukrainiens dans une clinique. Finalement, la route a été dégagée et les rapatriés ont pu rejoindre l'hôpital où ils ont été placés en quarantaine. Le Premier ministre a annoncé qu'il se rendrait sur place pour rassurer la population. Bonjour Pierre-Marie Morel. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur d'histoire de la philosophie ancienne à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, traducteur des lettres et maximes et autres textes d'Épicure pour Garnier Flammarion. Vous avez collaboré à la traduction des Épicuriens dans la Pléiade, écrit plusieurs livres sur Épicure. La mort n'est rien pour nous, affirme-t-il, au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et pourtant, en 2020, la possibilité de la proximité avec un virus qui pourrait apporter la mort affole la population. Est-ce que ça donne tort, Épicure ? Ça lui donne entièrement raison. Ah oui ? Absolument. Les épicuriens de l'Antiquité ont bien vu tous les effets dévastateurs et les effets d'amplification de la peur de la mort qui touchent les individus et qui en même temps touchent les sociétés, les désorganisent et conduit à des paniques non seulement individuelles, mais aussi collectives. Mais il est vrai aussi que la mort n'est rien pour nous. Et le fait d'avoir peur de la mort est une chose. Le fait de l'existence même de la mort, de la réalité physique de la mort pour nous, est autre chose. Et c'est cela précisément qui peut nous donner à penser, à partir d'Épicure, à partir de ce que nous éprouvons, paradoxalement, ce qui semble aussi subversif et inattendu dans la parole d'Épicure, cette idée que la mort n'est rien pour nous, est d'une absolue vérité, serait d'une absolue vérité à ses yeux. Vérité de quel ordre ? Vérité logique, certainement. Vérité d'ordre pratique qui nous permettrait de désamorcer la peur de la mort ? Sans doute pas, à moins que vous pensiez, Pierre-Marie Morel, que si tous les individus que nous avons entendus crier dans l'extrait diffusé juste avant avaient lu Épicure, ils n'auraient pas peur. Eh bien, je crois que, en fait, il suffit pas de le lire une fois. C'est-à-dire qu'Épicure, à la fois, nous dit qu'en un sens, la mort n'est rien pour nous, et si on le comprend, il est facile de se débarrasser de la peur de la mort, en un sens. Mais en un autre, il sait très bien que cela demande beaucoup d'exercice, que cela demande effectivement une méditation répétée, prolongée. Accoutume-toi à penser que la mort n'est rien pour nous, dit Épicure. Et se libérer de cette peur de la mort et se représenter la mort telle qu'elle est, cela suppose en effet plusieurs registres d'arguments, de connaissances, de compétences, voire de la science. De sorte que, en réalité, même si dans le principe, l'opération est facile à mener à son terme, dans la réalité, il faut bien compter sur le secours d'Épicure pour y parvenir. On va examiner ensemble ces arguments, puisqu'ils figurent, la plupart d'entre eux, dans cette lettre à Ménécée. On va expliquer le contexte aussi de rédaction de cette lettre. Un mot avant cela quand même, puisque vous êtes un grand lecteur d'Épicure, vous l'avez traduit, vous avez eu le temps de méditer sur cette phrase, est-ce que ça marche pour vous ? Alors là, c'est une question à laquelle, évidemment, c'est une question que je me pose tous les jours, et même si je me la pose tous les jours, je ne sais pas quoi vous répondre exactement. Par instant, il semble qu'il y ait une vérité toute très aiguë, très précise et très concrète qu'on trouve chez Épicure. Mais, comme je le disais à l'instant, il faut de la continuité dans la conviction que la mort n'est rien pour nous. Et c'est sans doute cela qui est le plus difficile à maintenir, c'est garder la tête froide en toutes circonstances et garder présente à l'esprit cette doctrine. Une chose est de la comprendre intellectuellement, une autre est de l'intérioriser, de la vivre, de s'incorporer véritablement cette doctrine, comme Épicure nous y invite. Puisque vous me posez la question à moi, je pense que intellectuellement, voilà, j'ai compris en gros comment cela fonctionnait pour Épicure. Mais quant à la continuité de la conviction, c'est un travail sans cesse recommencé. Et vous pensez que ça marchait pour lui ? S'est-il appliqué à lui-même ses propres préceptes ? Alors, évidemment, d'Épicure lui-même et de sa vie et de ses, ce qu'on pourrait appeler de ses états d'âme, de ses dispositions personnelles, nous avons une version qui est un peu romancée. Et s'il a eu des inquiétudes, elles ne nous apparaissent pas. En tout cas, ce qui est clair, ce que nous savons, c'est qu'il a réfléchi à sa propre mort de manière extrêmement concrète. Il ne s'est pas réfugié dans une espèce d'insouciance du présent, de l'immédiat. Vous savez, on représente souvent l'épicurien à la suite du fameux mot d'Horace, du carpe diem, l'épicurien comme ne se souciant que du présent immédiat, ce qu'on appelle parfois pompeusement le présentisme. En réalité, il y a une réflexion très soutenue, très complexe et subtile sur le temps, la rétention du passé, l'anticipation de l'avenir. Et précisément, Épicure, à la fois, dans sa vie personnelle, proclame que la mort n'est rien pour nous, donc pour lui, et en même temps, tout aussi bien, anticipe sur ce qui se passera après sa propre mort, pour les siens, pour son école, le jardin. Et le testament qu'on a conservé de lui contient un grand nombre de dispositions extrêmement précises sur la manière dont il faudra s'occuper des enfants d'un tel ou d'un tel, répartir les biens entre les membres de la communauté. Et même, chose plus surprenante encore, Épicure recommande qu'on lui voue une espèce de culte, qu'on honore sa mémoire une fois par mois, la sienne et celle de son grand ami Maître d'Or, ses plus proches amis du jardin. Et là, on peut avoir du mal à comprendre ça, que le même homme qui nous dit « la mort n'est rien pour nous », et qui est fondamentalement matérialiste et ne croit pas à la survie de l'âme, recommande à ses disciples d'honorer sa mémoire au moins une fois par mois. La clé se trouve sans doute dans un mot qu'on a gardé de lui. La vénération du sage est un bien, non pas pour le sage, mais pour celui qui le vénère. C'est-à-dire qu'il nous invite, après sa mort, à continuer à le vénérer, non pas pour sa gloire personnelle, ce qui serait absolument vain et contradictoire avec la doctrine, mais le vénérer à notre bénéfice. C'est-à-dire que vénérer Épicure et commémorer sa parole, commémorer l'excellence de sa vie, c'est une manière pour nous de prendre modèle sur lui, de nous pénétrer sa doctrine et de nous préparer mieux à la mort et tout simplement de mieux vivre notre vie actuelle. C'est surtout un peu paradoxal pour le contempteur de la religion qu'il était, parce que ce que vous dites, c'est quand même revient à se présenter pour lui comme étant un dieu qu'il faut vénérer, et on vivra mieux si on croit en Dieu, on vivra mieux si on vénère Épicure, non ? Il y a deux choses dans l'attitude des épicuriens à l'égard de la religion, parce qu'en fait, c'est une attitude assez complexe. Il y a une critique résolue, ferme, sans concession, de la superstition, de la religion traditionnelle, de ces espèces de projections anthropomorphiques que nous opérons lorsque nous parlons des dieux, des histoires de l'Olympe, leur vengeance, leur colère, leurs adultères, etc. Ça, c'est une religion en quelque sorte purement construite et qui ne fait que nous aliéner, qui ne fait qu'entretenir les peurs et les angoisses. Mais il y a une autre religiosité épicurienne, ce qui chez Lucrèce, l'héritier romain d'Épicure, s'appelle piété. Épicure lui-même a longuement parlé de la piété. Mais cette piété, ce n'est pas une espèce de dévotion docile à l'égard des représentations du divin. Cette piété, elle consiste à, dit Lucrèce, regarder toute chose avec tranquillité, avoir l'esprit tranquille. Et il y a effectivement une forme de représentation de la divinité, une divinité en quelque sorte impersonnelle, indifférente à nos affaires, qui se concilie très bien avec le fait d'avoir l'esprit tranquille. Je peux très bien accepter qu'il y ait des dieux, si je suis un épicurien, pourvu que cette représentation que j'ai du divin ne soit pas contraire à ma tranquillité, et ne soit pas contraire à ce que les dieux finalement sont, c'est-à-dire des êtres incorruptibles et bienheureux. Pourquoi alors continuer à croire en Dieu si nous avons atteint la tranquillité de l'âme ? On va y revenir dans un instant, Pierre-Marie Morel. Vous avez esquissé le programme de notre discussion ce matin. Reprenons au début, puisque le but est de méditer, de se répéter cette phrase si facile à comprendre et si difficile à appliquer. Voici donc le texte d'Épicure lu par Georges Clès, qui nous rappelle encore une fois que la mort n'est rien pour nous. Accoutume-toi à considérer que la mort n'est rien pour nous, puisque tout bien et tout mal sont contenus dans la sensation. Or, la mort est privation de sensation. Par suite, la connaissance droite que la mort n'est rien pour nous fait du caractère mortel de la vie une source de jouissance, non pas en ajoutant à la vie un temps illimité, mais au contraire en la débarrassant du regret de ne pas être immortel. En effet, il n'y a rien de terrifiant dans le fait de vivre pour qui a réellement saisi qu'il n'y a rien de terrifiant dans le fait de ne pas vivre. Aussi parle-t-il pour ne rien dire, celui qui dit craindre la mort non pour la douleur qu'il en éprouvera en sa présence, mais pour la douleur qu'il éprouve parce qu'elle doit arriver un jour. Car ce dont la présence ne nous gêne pas ne suscite qu'une douleur sans fondement quand on s'y attend. Ainsi, le plus effroyable des maux, la mort, n'est rien pour nous, étant donné précisément que quand nous sommes, la mort n'est pas présente, et que quand la mort est présente, alors nous ne sommes pas. Elle n'est donc ni pour les vivants, ni pour ceux qui sont morts, étant donné précisément qu'elle n'est rien pour les premiers et que les seconds ne sont plus. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. La mort n'est rien pour nous, affirme Épicure, qui nous accompagne cette semaine, ce matin, en compagnie du philosophe Pierre-Marie Morel, grand connaisseur d'Épicure, qui a traduit notamment les Lettres et Maximes et autres textes d'Épicure. La mort n'est rien pour nous, et même, affirme-t-il plus loin dans ce texte, je précise que la Lettre à Ménécée est un texte très court, mais très dense. D'ailleurs, on pourrait passer toute la semaine à commenter la lettre à Ménécée, c'est à peu près ce que nous allons faire. Que chaque phrase ajoute quelque chose, ajoute un argument à cet énoncé qui paraît si simple. Le premier, Père Marie Morel, c'est celui qui consiste à dire que le caractère mortel de la vie est en lui-même source de jouissance. Non seulement la mort n'est rien pour nous, mais c'est parce que la mort existe, c'est parce que la vie est finie que nous pouvons jouir. Tout à fait, et... Il est clair que dans cette réflexion sur la mort, il y a immédiatement tout aussi bien une réflexion sur la vie. C'est-à-dire que si nous savons approcher notre propre mort et si nous parvenons à nous convaincre qu'elle n'est rien pour nous, nous jouissons plus pleinement de notre vie, précisément. Parce que se convaincre que la mort n'est rien pour nous, qu'elle ne nous concerne en rien, c'est aussi du même coup accepter que survienne l'événement physique de la mort, parce que ça a bien une existence objective. Il y a bien un moment où l'agrégat de l'âme et du corps, ce composé d'atomes, vient à se dissoudre, et un moment à partir duquel nous ne sommes plus là, mais cela même établit la nécessité de notre mortalité, et cette mortalité, au lieu de nous désespérer, en réalité, a tout à fait de quoi nous réjouir. Parce que si je suis mortel, et si j'assume pleinement cette mortalité, cela veut dire que je me satisfais pleinement des limites qui sont celles de la vie elle-même. Parce que ne pas vouloir se révolter contre la mort, c'est vouloir se révolter contre les limites. C'est ne pas admettre que ma vie, si merveilleuse, si fantastique, quelqu'un comme moi mériterait quand même de vivre encore plus longtemps, voire une éternité. Mais c'est précisément cela qui nous angoisse. Si nous admettons qu'en réalité elle a un terme, ça veut dire que un certain nombre d'objectifs que je peux me donner sont atteignables et que les plaisirs notamment que je peux éprouver durant cette vie, eh bien, je peux les atteindre. On ne se projette pas dans l'infini, on accepte le fini. Et donc, je vous suis tout à fait, effectivement, la mort, elle, d'une certaine manière, la conscience de notre mortalité, tout cela nous aide à mieux vivre. Mais est-ce que ça veut dire que celui qui vivrait éternellement ne trouverait pas les ressources pour jouir? Dans quelle mesure est-ce que c'est la mort qui est source de jouissance? Non pas de plaisir, hein, mais de jouissance, c'est-à-dire qui permet à l'individu que nous sommes d'apprécier les choses pour ce qu'elles sont et de prendre du plaisir à ce qu'il fait, à la vie elle-même. Alors, il y a des êtres qui sont éternels et qui sont très heureux. On en parlait tout à l'heure. Les dieux? Les dieux, voilà. ils sont incorruptibles. Mais dire qu'ils sont heureux, c'est déjà heureux. C'est encore de l'anthropomorphisme. C'est peut-être de l'anthropomorphisme, c'est vrai. Mais les épicuriens, à l'occasion, veulent bien parler des dieux comme on parle des humains. Ils peuvent aller jusqu'à dire, par exemple, que les dieux parlent grec parce que c'est la langue des sages. Bon. Ça peut paraître très surprenant pour une philosophie qui condamne la superstition et l'anthropomorphisme. Mais ça l'est moins si on dit, oui, mais je peux bien parler des dieux en ces termes-là à partir du moment où je ne leur prête pas des préoccupations qui limiteraient leur béatitude, leur bonheur. Je peux bien parler des dieux de manière partiellement ou à la limite anthropomorphique, de manière presque métaphorique, pour autant que je ne remets pas en question l'idée fondamentale que je dois avoir du divin. Donc, cette béatitude des dieux, elle est sans doute différente de notre bonheur à nous. Nous, précisément, les êtres humains, nous ferions erreur en pensant que nous pouvons être immortels au sens, en tout cas, où les dieux le sont. On verra peut-être tout à l'heure qu'il y a moyen d'être immortel quand on est humain, mais d'une autre manière. Mmh. C'est là que les choses se compliquent. Quel suspense, ok. Oui, oui, oui, c'est très prometteur. Mais en réalité, l'important est de bien comprendre que notre manière d'être heureux est dans la limite, y compris la limite temporelle, dans l'acceptation de la mort, alors que les dieux, ces êtres qui vivent dans des espaces difficiles à cerner, que Lucrèce appelle les intermondes, les dieux, eux, ont une manière d'être et une manière d'être heureux qui va avec l'immortalité physique. Alors, puisque vous prononcez le terme, justement, allons-y. On va essayer de comprendre ce que c'est que cette mort qui, nous dit Épicure, n'est rien pour nous. Vous avez employé le terme de physique. On pourrait imaginer que la mort, ça s'oppose à la vie étant quelque chose, la mort n'est rien. Or, nous dit Épicure, de la deuxième phrase du texte qu'on a entendu, la mort est quelque chose. La mort est privation de sensation. Est-ce une définition ultime ou est-ce un début d'esquisse de définition de ce qu'est la mort? Non, en fait, ça peut très bien suffire. Ça peut très bien suffire. L'important, à mon avis, est de bien retenir le « pour nous » dans la phrase « la mort n'est rien pour nous ». Et éventuellement même le « nous » de ce « pour nous ». Nous, c'est les humains? Les humains, et avant qu'il s'agisse de la communauté humaine, chacun d'entre nous. La mort n'est rien pour nous, ça me permet de continuer à dire que la mort est quelque chose, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'événement physique de dissolution de l'agrégat. Je ne peux pas le nier. C'est une réalité physique. Mais pour nous, ça veut dire pour ce moi que je suis aussi bien. Donc ce moi que je suis fait-il l'expérience de la mort? Rencontre-t-il jamais la mort? Eh bien, la réponse d'Épicure est de dire il ne la rencontre jamais, puisque la mort est privation de sensation. Exister, c'est fondamentalement sentir, si vous voulez, dans la définition épicurienne de l'existence biologique. Pour un être vivant, c'est fondamentalement sentir, en tout cas pour l'homme et les animaux. Ce qui veut dire que la cohésion de l'âme et du corps, puisqu'ils sont inséparables, cette cohésion, elle n'est pleinement ce qu'elle doit être que tant que nous sentons, tant que nous avons des sensations, sensations de nous-mêmes, sensations des choses extérieures, sensations de mon corps, sensations de mes propres états mentaux et sensations des objets que je vois, que je touche, etc. Mais dès qu'il n'y a plus de sensations, il n'y a plus de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'identité personnelle. Il n'y a plus de moi auquel je puisse rapporter cette sensation. Il n'y a plus de moi qui sent. Donc, si je définis la mort comme étant cet état de dissolution de l'agrégat à partir duquel il n'est plus capable d'avoir des sensations, ça veut dire que la mort, c'est cet état de dissolution de l'agrégat à partir duquel il n'y a plus de moi, il n'y a plus d'identité personnelle, de sorte que quand la mort est là, je n'y suis pas. Donc, en fait, il n'y a plus de sensation, il n'y a plus de conscience, on dirait aujourd'hui. Il n'y a plus de conscience non plus. Donc, quelqu'un qui est dans le coma est déjà mort, pour Épicure. Alors, la question, évidemment, prendrait sans doute les épicuriens au dépourvu. L'idée d'une suspension, en quelque sorte, c'est pas sans doute de quel type de coma l'on parle, mais l'idée d'une suspension des facultés cognitives, sans doute, serait pour eux très problématique. Très problématique. L'idée que l'on puisse effectivement revenir après une phase de suspension de conscience à une identité personnelle, vraisemblablement, c'est un problème. Alors, ce qui est clair, c'est que pour eux, à partir du moment où le moi cesse d'être ce qu'il est, et que les conditions physiques d'activité de cette conscience sont détruites, il ne peut plus redevenir ce qu'il était. Mais je vous pose la question, en prenant l'exemple du coma et de la conscience, parce que c'est important de comprendre comment dans un univers matérialiste qui suit d'Épicure, même si on parlera plus précisément de l'atomisme d'Épicure demain, comment est-ce qu'il peut encore penser qu'un phénomène tel que la conscience, l'âme, est-elle simplement l'agrégat d'atomes, ou y a-t-il un surplus, quelque chose que l'on pourrait appeler conscience, qui caractérise un individu, qui caractérise la vie, et qui ne se réduit pas à un atome? Pourquoi réduire? Ça vous gênerait tant que cela, que nous ne soyons que des atomes finalement? Alors ramener, parce que si réduire semble trahir un jugement dépréciatif de ma part, c'est pas le cas. Simplement, y a-t-il quelque chose qui distingue l'âme du corps? Est-ce que cette conscience dont on parle, oui, c'est simplement sûr. L'agrégat d'atomes ou il y a autre chose? C'est un certain équilibre garanti par la proportion et le mouvement des atomes de l'âme et de ceux du corps. Donc, nous sommes bien réductibles à des atomes, il faut l'admettre. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. pour un épicurien, ça ne l'est pas, en tout cas. Nous sommes, et nous ne sommes qu'atomes, fondamentalement. Nous sommes réductibles à des atomes. Il y a des atomes psychiques, en tout cas, l'âme est constituée d'une certaine catégorie d'atomes. Il y a des choses assez complexes sur la composition physique de l'âme, qui est probablement un souffle chaud, etc. À l'intérieur de ce qui s'appelle parfois la chair dans les textes épicuriens, c'est-à-dire l'enveloppe corporelle, et ces atomes psychiques qui circulent à l'intérieur, ils donnent vie à l'agrégat, à l'ensemble de l'agrégat âme-corps, et ils meuvent le corps de fait, et leur mode de fonctionnement, leur équilibre et peut-être leur situation dans certaines parties de l'agrégat font que émerge un phénomène de conscience. Alors, on peut trouver ça peut-être un petit peu magique. Les épicuriens, en tout cas, ne nous donnent pas d'explication positive qu'on pourrait juger aujourd'hui pleinement satisfaisante si on a un esprit très, très positiviste. Mais en tout cas, leur idée, c'est que nous ne sommes qu'atomes, mais parmi les atomes, certains ont des propriétés bien spécifiques. Il y a des lieux de l'agrégat, sans doute dans la région de la poitrine, où se concentrent les atomes qui vont constituer précisément la partie cognitive de l'âme, ou le cœur de la partie cognitive. Et de sorte que, vous voyez, si on conçoit la vie et la conscience elle-même, non pas simplement comme une addition de corpuscules, mais comme un certain équilibre qui se maintient pendant un certain temps et qui répond à un certain nombre de conditions et de paramètres, la chose paraît, à mon avis, moins extraordinaire. Un autre argument qui est présent de manière assez explicite dans le texte qu'on a entendu avant d'arriver à un second texte, c'est celui de la valeur que nous accordons spontanément au fait d'être en vie. Puisqu'il dit bien, il dit finalement, il n'y a rien de terrifiant dans le fait de vivre pour qui a réellement saisi, qu'il n'y a rien de terrifiant dans le fait de ne pas vivre. Pourquoi accordons-nous spontanément une valeur à la vie, comme si finalement il était moins bien, voire grave, de ne pas vivre? Effectivement, l'idée que la vie est une espèce de valeur absolue et inconditionnée est un contresens fondamental pour les épicuriens. Lucrèce a même cette expression lorsqu'il parle de ceux qui ne veulent pas accepter leur mortalité, cette idée que finalement ils ont une espèce d'appétit de la vie, de cupidité de la vie, vitae cupido, comme on peut avoir un appétit excessif pour un tas de choses, pour la nourriture, pour la sexualité, etc. Et donc, il y a, dans le rapport à la vie, très fréquemment, chez les êtres humains, une espèce d'inconséquence qui consiste à ne pas accepter son caractère mortel, et plus encore, en vouloir toujours plus. Et cela, effectivement, n'est qu'anxiogène. Mmh. Cela ne fait que créer de l'angoisse. Le terme d'angoisse est familier à Épicure, angoisse, anxiété? Le terme de trouble, par exemple, dont nous connaissons mieux aujourd'hui la négation, l'ataraxie, ataraxia en grec, c'est quelque chose qui pourrait renvoyer à notre idée d'angoisse, c'est-à-dire un trouble qui est à la fois psychique et physique, une perturbation des atomes constitutifs de l'âme, et effectivement, le fait ne pas se satisfaire et de craindre finalement même la vie parce qu'on ne se satisfait pas de ses limites, d'appréhender toujours sans cesse que quelque chose de négatif advienne, c'est une manière véritablement d'entretenir le trouble. Par exemple, et cela on le retrouve dans tous les domaines pour les épicuriens, Lucrèce montre bien que même l'ambition politique, qui a priori n'a rien à voir avec la peur de la mort, on ne voit pas le lien. Eh bien, dit Lucrèce, l'ambition politique, elle est, lorsqu'elle est excessive en tout cas, elle est en réalité nourrie par un désir de vie immodéré, parce que l'on associe, plus ou moins consciemment, lorsqu'on est pris de ce type d'ambition, de projet personnel, on associe inconsciemment le mépris social, ou éventuellement une situation sociale moins avantageuse que celle que l'on a ou que l'on recherche, à une forme de mort. Le mépris ou la pauvreté, ce qui fait que l'on va se précipiter vers l'accumulation des richesses, par exemple. Et Lucrèce dit qu'il y a en quelque sorte une espèce d'impensée de la peur de la mort, et dans des activités comme celle-ci, où sans cesse nous cherchons à repousser les limites de ce que nous possédons et pouvons atteindre, en réalité, de manière sournoise, sous-jacente, il y a toujours cette peur de la mort qui nous habite. Amanda mentioned you had a dark side. That's what drew to me. Your dark side. Sure. Why don't you have a dark side? T'es probablement du genre Cheftain qui met des t-shirts à Love New York. Détrompe-toi, j'ai mon côté sombre aussi, comme tout le monde. Ah vraiment? Quand je m'offre un bouquin, je lis toujours la dernière page d'abord. Comme ça, si je crève avant de l'avoir fini, je connais la fin. Et ça, ma vieille, c'est être sombre. Ça peut pas dire que t'es profond. Et puis moi? Oui, oui, moi je suis heureuse fondamentalement. Moi aussi. Et j'en rougis pas, je vois pas où est le mal. Tu peux pas t'être prise par le bonheur. Tu penses à la mort, pas? Oui. Tu parles. Un vague zéphyr qui filtre dans l'embrasure de ton esprit. Moi j'y pense des heures, j'y pense des jours. Et tu crois que ça fait de toi un type meilleur? Écoute, quand la merde arrivera, moi je serai préparée et pas toi, c'est tout ce que je veux dire. Et en attendant qu'elle vienne, tu vas gâcher ta vie à poireauter. Le principal trouble que connaissent les âmes humaines tient à ce qu'elles jugent que les dieux sont à la fois bienheureux et incorruptibles, et qu'ils ont en même temps des volontés, des actions et des responsabilités, ce qui est en contradiction avec ses attributs. Il réside aussi dans le fait de toujours attendre ou suspecter quelque chose d'éternel et de terrible en se fiant au mythe, ou bien par peur de l'absence même de sensibilité qu'implique le fait d'être mort, comme si c'était là quelque chose qui nous concerne. Il tient encore à ceci qu'elles éprouvent ces affections à la suite, non pas de jugement, mais d'une disposition irrationnelle par laquelle, faute de définir ce qui est terrible, elles sont dans un trouble égal, voire dans un trouble plus intense, que celui qu'elles auraient éprouvé si elles avaient formé des jugements sur ces sujets. Or, l'absence de trouble, c'est le fait d'être délivré de tout cela, et de garder continuellement en mémoire la totalité de ce qui est vraiment fondamental. Quand Harry rencontre Sally, il parle de la mort. Harry dit qu'il y pense tous les jours pour s'y préparer. Sally répond qu'elle préfère être heureuse. Épicure dirait que bien l'un n'exclut pas l'autre. Au contraire d'ailleurs, c'est bien parce qu'on se prépare à mourir qu'on peut peut-être atteindre le bonheur ici-bas. Et c'est ce qu'il dit dans le texte qui a suivi, lu par Georges Clès, ce refus de la superstition, c'est-à-dire aussi une manière de montrer que la peur de la mort est solidaire d'une vision du monde qui est erronée. Et ça, c'est très important ce point-là, Pierre-Marie Morel. Si on a peur de la mort, c'est au fond parce qu'on n'a pas fait assez de physique au sens large. C'est parce qu'on n'a pas fait assez de philosophie naturelle et qu'on ne sait pas comment fonctionne le monde. Si vous adoptez la doctrine physique des épicuriens, que vous savez que tout n'est fait que de corps et de vide, qu'il n'y a aucune intelligence divine à l'origine de l'existence de notre monde, qui lui-même n'est qu'un exemplaire parmi une infinité de mondes dans un vide infini, si vous reconnaissez que dans cet univers sans dessein intelligent, les dieux se moquent totalement de nos petites affaires humaines, si vous admettez que votre âme meurt avec votre agrégat corporel, alors vous n'avez aucune raison d'avoir peur de la mort. Vous êtes effectivement, vous avez une vision du monde qui va dans le sens, en réalité, de votre, tout simplement, de votre bonheur. Le bonheur étant, ou alors est-ce le but de la philosophie, cette absence de trouble dont parle Épicure et qui venait conclure le texte. L'absence de trouble, c'est le fait d'être délivré de tout cela et de garder continuellement en mémoire la totalité de ce qui est vraiment fondamental. Ce qui est vraiment fondamental, et en l'occurrence dans le passage en question, c'est ce qui est vraiment fondamental pour comprendre le monde, c'est-à-dire ce qui est vraiment fondamental dans la physique, les éléments de base de la philosophie naturelle et de la doctrine physique. Ce qui, encore une fois, ce qui donne à penser que la meilleure manière de se préparer à mourir, ce n'est peut-être pas d'y penser sans cesse, de ruminer sans cesse que nous allons mourir, mais plutôt de chercher les causes. Grâce à la philosophie naturelle, grâce à une doctrine physique ou à une vision du monde qui est apaisante parce qu'elle montre qu'au fond, dans les phénomènes, derrière les phénomènes qui nous menacent potentiellement, il n'y a que des causes naturelles et pas d'intentions sournoises. Et donc, ce qui est vraiment fondamental, ce sont les éléments de cette doctrine, de ces explications causales qui nous permettent de rendre compte de manière sereine des phénomènes, comme les tremblements de terre, les orages, etc., derrière lesquels on pourrait imaginer qu'il y a une intention divine malveillante. De sorte que le travail de la mémoire que vous évoquiez à l'instant en citant ce passage, c'est un travail d'intériorisation des éléments de base de la doctrine, intériorisation de choses qui peuvent se dire en peu de mots. Finalement, là, nous venons de résumer l'essentiel de la physique d'Épicure. Dans certains cas, ça peut suffire, pour peu qu'on se pénètre de cette doctrine, cela peut suffire parce que on garde sans cesse présente à l'esprit cette totalité d'éléments doctrinaux dont la mobilisation en situation, lorsque je suis confronté à quelque chose qui m'angoisse objectivement, dont la mobilisation, justement, est apaisante. Mais le fait même que nous ayons peur de la mort, n'est-ce pas un contre-argument à cette vision du monde matérialiste d'Épicure, puisque si tout sera amené à ces atomes et à ces agrégats d'atomes qui expliquent la vie et la conscience, alors il n'y aurait pas de place pour cette peur. Le fait que nous ayons peur, c'est juste le signe d'un défaut de connaissance qui serait absolument comblable par une connaissance adéquate, ou est-ce que c'est le fait justement qu'il y a peut-être autre chose qui échappe à cet entremêlement d'atomes ? Alors, je pense que il y a ici un petit point aveugle du système, effectivement. Un petit point aveugle parce que, après tout, pourquoi est-ce qu'il ne va pas de soi pour nous tous, finalement, bah oui, que nous ne sommes que des agrégats d'atomes, que la vie est limitée, que la mortalité n'est pas un mal, etc. Il se trouve que nous sommes équipés, nous les êtres humains, d'une curieuse faculté, peut-être pour notre bonheur, mais aussi pour notre malheur, qui est la raison. Et cette raison, l'exercice de notre jugement, l'exercice de notre faculté d'opiner, eh bien, comme nous le savons tous, elle, nous l'avons pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire qu'elle peut aussi bien concevoir des représentations fausses, faire des suppositions fausses, et notamment des suppositions erronées concernant les dieux ou concernant la mort. Donc ce qui nous empêche fondamentalement d'être simplement heureux, comme un simple agrégat atomique qui planerait là dans l'univers, c'est que fondamentalement, nous avons en nous cette faculté, la faculté rationnelle, qui peut produire des jugements, eux-mêmes générateurs d'illusions. Et ces illusions, comme l'immortalité de l'âme, comme les enfers, etc., ces illusions nous rendent malheureux. Donc, nous nous rendons malheureux tout seuls, à cause de cette faculté merveilleuse que nous avons, qui s'appelle la faculté rationnelle. C'est la faculté rationnelle, c'est pas l'imagination qui nous fait nous tromper, c'est pas... Il n'y a pas vraiment de faculté d'imagination, il y a l'idée... Alors le désir, à la base, non. Tout va bien avec le désir en principe, s'il n'est pas perverti justement par des opinions fausses. que nous surajoutons à nos dispositions naturelles. Alors, oui. Tout va bien avec le désir. C'est vraiment à une époque avant la psychanalyse qu'on peut affirmer cette phrase. Vous avez entendu que j'ai mis une limite quand même. C'est ça. Et d'autant que, et ça nous fait arriver au point suivant à propos de cette phrase d'Épicure concernant l'absurdité d'avoir peur de la mort, qui est le problème politique. Parce qu'au fond, c'est bien la vie en société qui nous impose finalement de canaliser ses désirs, pour employer une expression anachronique, mais qui montre aussi qu'il y a un conflit entre les désirs humains individuels et, disons, un désir collectif ou la nécessité de vivre ensemble. Comment est-ce qu'Épicure lui-même peut penser ce rapport à la mort et ce rapport au désir dans un ensemble, cette fois-ci, pas simplement à titre individuel? Il ne peut pas ne pas se poser la question. Bien sûr, et il se l'est posé. Alors, on a longtemps considéré que les épicuriens, il faut dire qu'ils ont été beaucoup critiqués pour cela depuis l'Antiquité, chez Cicéron ou chez Plutarque, que les épicuriens étaient fondamentalement des ennemis des lois de la cité, qu'ils prônaient une espèce d'incivisme et que leur attitude était fort peu recommandable du point de vue de la moralité collective. En réalité, quand on regarde un certain nombre de textes très clairs, très fiables qui nous sont restés, on voit que les épicuriens ont eu une réflexion très cohérente sur la construction des sociétés humaines, et que Épicure et un certain nombre de ses disciples ont tenté de définir les conditions de ce que serait une politique juste. Il est vrai qu'en un sens, les épicuriens nous invitent à nous méfier de la vie politique, enfin en tout cas au sens large, c'est-à-dire de la vie dans les cités, le fait de, par exemple, accepter des charges politiques, et qu'ils nous recommandent plutôt de nous contenter de vivre dans une sphère d'amitié. Mais il est vrai aussi qu'ils se sont concrètement interrogés sur les conditions sous lesquelles nous pouvions vivre à plusieurs dans des sociétés organisées. Il est clair que la peur de la mort et la peur de la destruction d'une manière générale ne concerne pas seulement les individus, concerne aussi les sociétés. Et ils vont réfléchir effectivement à la manière d'organiser les sociétés le moins mal possible, de sorte qu'elles puissent se préserver, comme les individus. Ils vont pour cela rejeter toute conception transcendante, d'origine par exemple platonicienne, pour parler des adversaires qui pouvaient être les leurs, comme l'idée qu'une idée atemporelle de la justice pourrait orienter la conduite humaine collective et constituer un modèle pour construire des cités. Ce que pense Platon, ce qu'il écrit dans la République. En substance, voilà. Ils vont privilégier, à l'inverse, une conception très pragmatique de la politique et de la justice. Est juste ce qui est utile à une communauté donnée à un moment donné. Et donc, la justice se définit en termes d'utilité. C'est presque une forme d'utilitarisme politique. Dans ces conditions, que faire avec la mort? Que faire avec les individus qui seraient éventuellement dangereux pour la communauté politique? Cela s'évalue non pas à l'aune d'un modèle transcendant de ce qu'est la justice, mais cela doit être mesuré à ce qui est utile à une communauté donnée dans des circonstances particulières. Donc, d'une certaine manière, lorsque on s'interroge sur la préservation de la totalité au niveau de la société, on ne fait que transposer ce qu'on observe au niveau de l'individu. D'un côté, ce qui est utile à l'individu pour sa préservation biologique, de l'autre, ce qui est utile à la cité pour la préservation de la communauté. Mais est-ce que ça veut dire que la conception qu'Épicure se fait de, ou propose de la société serait semblable à celle développée par Hobbes, par exemple, c'est-à-dire que nous avons besoin des autres pour survivre? Est-ce que c'est uniquement en termes de survie, en termes quasiment biologiques, qu'il pense la société, ou y a-t-il un bienfait supérieur à celui du maintien en vie? Alors, il y a effectivement quelque chose qui fait tout à fait penser à Hobbes, une conception très pragmatique, qui ne repose absolument pas sur un optimisme béat concernant les aptitudes des hommes à vivre les uns avec les autres en bonne intelligence. Et du reste, on a retrouvé des traces d'épicurisme dans la tradition hobbesienne. Et donc, de fait, on peut considérer que ce que les épicuriens entrevoient lorsqu'ils parlent de la politique et de la cité, c'est quelque chose de tout à fait minimal. C'est une forme de quelles sont les conditions d'une survie possible pour les cités. Le type de sociabilité qu'ils investissent beaucoup plus, c'est l'amitié. Ils ne croient pas que l'homme soit un animal politique, pour reprendre la formule aristotélicienne, et ils ne croient pas du tout qu'il y ait chez l'homme une espèce de tendance positive à vivre avec ses semblables. En revanche, ils voient dans la sphère de l'amitié, où l'on œuvre les uns avec les autres à la préservation de notre tranquillité psychique, ils voient là une véritable solution au mal de vivre et une véritable réponse à ceux qui les accuseraient d'être incapables de concevoir un rapport positif à autrui. Il y a un rapport positif à autrui. Ce que les lois et les cités nous proposent, c'est un rapport minimal. Éviter de se faire du tort. Donc, une politique en quelque sorte négative ou résiduelle. Là où, avec autrui, je peux participer de mon propre salut psychique, de ma propre tranquillité, et aider autrui également à faire de même, c'est dans l'amitié. On développera ce point jeudi prochain, justement, en parlant de l'amitié chez Épicure, en compagnie de Julia Sissa. La peur de la mort, nous dit Épicure, quand elle est à l'échelle collective, éloigne la ville, la cité, de la sagesse, de la justice, elle éloigne les individus les uns des autres. Voici la description que propose Lucrèce, donc un héritier lointain, enfin quand même, on parle de plusieurs siècles après Épicure. Dans son traité de la nature, il décrit la peste d'Athènes dans un style tragique. En fait, c'est une réécriture de la description de la peste d'Athènes par Thucydide en 430 avant Jésus-Christ. Écoutez le texte. Peut-être que c'est ce qui fait peur avec le coronavirus aujourd'hui. On a peur que ceci arrive. On ne pouvait trouver personne que la maladie, la mort ou le deuil n'éprouvât en un tel moment. Les pâtres, désormais, tous les gardiens de troupeaux, les robustes laboureurs étaient frappés de langueur. Au fond des cabanes, ils gisaient, entassés, corps livrés à la mort par l'indigence et la maladie. Sur des enfants inanimés, on pouvait voir le corps inanimé des parents. Parfois, au contraire, sur leur mère et leur père, les enfants rendre l'âme. En majeure partie, ce désastre afflua des champs vers la ville, apporté par la foule des paysans venus de toutes parts, languissants et malades. Ils emplissaient tous les lieux, toutes les maisons. Mais plus ils s'entassaient dans la chaleur étouffante, plus aisément la mort, par monceaux, les amassait. Il n'est jusqu'au divin sanctuaire que la mort n'est comblée de corps inanimés. Et ces temples des dieux célestes, partout, demeuraient chargés de cadavres, hôtes dont leurs desservants les avaient encombrés. Ni la religion, désormais, ni les puissances divines ne pesaient plus guère. La douleur présente les dépassait. Plus ne subsistaient dans la ville les rites de sépulture que ce peuple toujours observait pour l'inhumation. Tout à son trouble, il s'agitait, et solitaire, chacun, comme il pouvait, enterrer les siens dans l'affliction. L'urgence et la misère inspirèrent bien des horreurs. Sur des bûchers dressés pour d'autres, les hommes plaçaient à grands cris ceux de leur sang, approchaient la torche, engageaient des luttes sanglantes plutôt que d'abandonner les corps. Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Camus, dans La Peste, ne décrit pas autre chose, Pierre-Marie Morel, que cette nécessité de la société pour vivre ensemble et faire face à la mort, et en même temps, le fait que la mort est précisément ce qui va menacer la société, révéler la fragilité des institutions politiques, dans ce cas-là, le cas d'une peste qui terrasse une ville entière. Le texte de Lucrèce, en effet, très, très clair, et l'écho qu'il donne ici à la manière dont Thucydide avait relaté la peste d'Athènes dans la guerre du Péloponnèse, cet écho amplifie l'effet dramatique pour les individus, mais également pour la société, non seulement de l'épidémie, mais, et peut-être plus encore, de l'attitude des les humains à l'égard de l'épidémie. C'est-à-dire que là, manifestement, on a deux plans. On a une description objective d'une catastrophe. Cette catastrophe, Lucrèce en fait le récit à l'intérieur d'un... Enfin, le contexte, c'est une réflexion sur les météores, l'ensemble des phénomènes atmosphériques, sur la circulation des vents. Nous faisons de la philosophie naturelle. Et dans le cadre de la philosophie naturelle, on voit apparaître des événements comme ceci, comme les épidémies, qui, d'une certaine manière, donc, sont dans l'ordre des choses. De même qu'au niveau atomique, le désordre est tout aussi naturel que l'ordre. Mmh. Il n'y a pas de priorité de l'ordre sur le désordre. Il n'y a pas d'axiologie, de valeur supplémentaire de l'ordre par rapport au désordre. Parce que tout est fait d'atomes en mouvement et qui, à un certain moment, pour des raisons contingentes, vont effectivement constituer une structure. Et là, de l'ordre va apparaître. Mais la règle fondamentale, c'est le désordre. Et les épidémies, comme d'autres catastrophes, ce que nous percevons comme des catastrophes, ne sont jamais que des instanciations locales du désordre. Et puis il y a le deuxième niveau, c'est-à-dire la manière dont nous les vivons. Et là, Lucrèce décrit tout à la fois les effets objectifs, physiologiques de la maladie, mais aussi ses effets sociologiques et la manière dont les hommes se la représentent. Et c'est pourquoi il dépeint les comportements tout à fait irrationnels, déraisonnables, et il insiste notamment, comme vous l'avez souligné, là, sur la dimension destructrice pour les institutions. C'est tout à fait typique de voir que les gens renoncent à leurs usages fondamentaux. Ils renoncent à la coutume, en latin le mos, qui consiste à enterrer les morts convenablement, à adopter des rites pour célébrer leur mémoire, etc. Et toute cette codification qui nous permet d'accompagner la mort et de fait de le rendre plus supportable pour nous, cette codification, eh bien, elle s'effondre. De même que la religion, on le voit encore une fois dans le texte, qui nous promettait pourtant une forme de consolation, même si c'est par le moyen de la terreur, par la peur des enfers, cette religion, elle demeure tout à fait impuissante désormais. Et donc, c'est la religion et l'institution politique qui finissent par s'effondrer parce que les individus sont totalement désorientés. Mais heureusement, pour nous ce matin, Pierre-Marie Morel, vous avez apporté avec vous ce matin en studio le secret de l'immortalité. C'est ce que vous sembliez nous promettre tout à l'heure. Je n'ai pas oublié, il reste deux minutes par contre. C'est vrai, je l'avoue, je suis allé jusque-là. Mais c'est Épicure qui nous le promet. Alors, que dit-il au sujet de l'immortalité? Eh bien, il s'agit, et c'est la fin de la lettre à Ménécée, dont vous rappeliez tout à l'heure qu'elle était d'une richesse absolument exceptionnelle. Il s'agit de vivre comme un dieu parmi les hommes. Il s'agit de s'entourer de biens immortels. Et Lucrèce, quand il célèbre Épicure, nous dit « il fut un dieu ». Et donc, d'une certaine manière, il y a, dans la sagesse épicurienne, une promesse d'immortalité. Mais si cette promesse d'immortalité était l'annonce d'une vie sans cesse perpétuée, c'est-à-dire d'une éternité temporelle, si tant est que l'expression ait un sens, en tout cas d'une éternité dans la durée, ce serait contradictoire. Nous venons à plusieurs reprises de rappeler que c'est précisément contre ce type de représentation qu'Épicure nous met en garde. Donc il s'agit de comprendre une autre forme d'immortalité, peut-être pas en perpétuité, mais une immortalité en intensité. C'est-à-dire que nous puissions vivre un temps limité, mais comme un dieu, comme si nous étions effectivement immortels et d'une certaine manière, le bonheur parfait du sage, entouré de ses amis de la communauté du jardin, c'est un bonheur d'immortalité ici et maintenant, et non pas une immortalité projetée. Donc ça veut dire vivre comme si nous étions immortels? Parce qu'alors on prendrait beaucoup plus de risques et on risquerait de mourir beaucoup plus tôt. Vivre comme si nous étions immortels ne nous empêche pas de prendre des précautions. Simplement, l'idée est que en vivant dans la quête sereine des plaisirs, dans la discipline des désirs, entourés de nos amis, nous renforçons la confiance. C'est un terme épicurien très important, la confiance psychique. Nous sommes sereins parce que nous n'avons pas de regrets par rapport au passé, pas d'angoisse vis-à-vis de l'avenir. Et de fait, même si, comme on le disait tout à l'heure, il n'est pas question de vivre dans l'immédiateté de l'instant, nous avons une représentation du temps qui n'est plus source d'angoisse. Et se représenter le temps comme n'étant pas source d'angoisse, c'est d'une certaine manière vivre chaque instant comme si nous étions immortels. C'est ce qu'on essaie de faire chaque matin à ce micro, figurez-vous, Pierre-Marie Morel. Bravo. Merci d'y avoir contribué ce matin. Je renvoie aux lettres Maximes et autres textes d'Épicure que vous avez traduits et présentés en Garnier Flammarion. Hey yo, are you afraid to die? Or do you want to live forever? Tell me, what's wrong? They wanna bury me, I'm worried. I'm losing my mind, look down the barrel of my nine and my business blurry. Falling to pieces, am I guilty? I pray to the Lord, but he ignores me. I'm fortunate because I'm guilty. Show me a miracle, I'm hopeless. I'm choking off marijuana smoke with every token, like I'm losing focus. Falling asleep while I'm in service, when will I die? Forever paranoid, nervous, because I'm high. Don't mention funerals, I'm stressing and going nutty. And reminiscing about the niggas that murdered my buddy. I wonder when will I be happy, ain't nothing funny. Flashbacks of busting caps in your paper money. Where am I going? I discovered. Can't have to save up. My next door neighbor's having convo with undercovers. Put a surprise in the mailbox. Hope she get it. Happy birthday, B. You know you shouldn't have did it. Everybody's dying in my necks. Who can I trust? Will they be G's and then look at me before they bust? Or will they kill me while I'm sleeping? Shoot in the head while I'm in bed, leaking blood on my satin sheets. Is there heaven for a baller? Getting suspicious of this bitch. The line's busy every time I call her. Nancy's telling me to visit. Who else is home? I check the house before I bone, so we all alone. After another, hit the highway. See you later. To all the players, watch the flyway. A nigga played up. The bitches telling all the homies that I can fuck her like no other. Now the mother bitches wanna bone me. I'm under pressure, getting drunk. Somebody help me. I drank a fifth of Hennessy. I don't think it's healthy. I see my enemies, they creeping. Don't make me blast. I watch the 5-0s roll. The motherfuckers pass by me like they know me. Smiling nice, they laugh. I put up my middle finger, then I dash. Niggas don't like me cause I'm thuggin'. And every day I'm a hustler, looking to get paid. They wanna bury me and worry, no need to lie. I pray to God I don't scream when it's time to cry. Nowhere to rest, I'm losing homies and got a bitch. When I was rich, I had clout, now a nigga's lonely. I put the pistol to my head and say a prayer. I see visions of me dead, Lord, are you there? They tell me am I lost cause I'm lonely. I thought I had friends, but in the end a nigga dies lonely. Nowhere to run, I'm in terror, and no one cares. A closed casket at my funeral when no one's there. Is there a future for a killer? I change my ways. But still, that don't promise me the next day. So I stay thugging with a passion for what's a blast. I'm busting on these motherfuckers in my mask. They wonder if I'm hellbound. Only fear of death. C'est le titre de cette chanson de Tupac sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Et voici Géraldine Mosnasawa pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous revenez sur un fait sans intérêt, mais qui a beaucoup fait parler. Et oui, j'ai découvert ce fait vendredi grâce à un tweet du journal Le Parisien. Ce dernier porte bien son nom puisqu'il a ainsi couvert une actualité de la capitale française, le passage du couple star Kim Kardashian et Kanye West, alors en séjour à Paris, dans une célèbre chaîne de restauration rapide. Passage que le restaurant a décidé d'honorer grâce à l'installation d'une plaque. Cette plaque n'indique d'ailleurs que ça... Kim Kardashian et Kanye West ont commandé sur cette borne 19-02-2020. J'ajoute que le couple a passé la commande d'un bucket, soit un seau de poulet frit, dégusté ensuite en robe Jean-Paul Gaultier et chez le couturier lui-même. Pas besoin du Parisien pour le savoir, Kim Kardashian avait elle-même pris le soin de diffuser l'événement sur Instagram. Alors pourquoi en avoir parlé ? Alors comme vous l'entendez, le son est tout aussi médiocre que l'image où l'on voit Kim et Kanye de dos faire une commande sur une borne KFC. Ils hésitent entre un seau ou un burger de poulet. Rien d'intéressant donc, mais cette vidéo a beaucoup fait parler d'elle. À la fois pour souligner l'incongruité de cette présence, deux stars planétaires dans un restaurant, dans un quartier populaire, et pour souligner l'incongruité de le souligner et d'en faire ainsi une plaque. Comble de l'affaire, on en parle donc pour dire que ça ne sert à rien d'en parler. On en parle pour en faire le symbole d'une époque ridicule qui se contemple d'image en image, une époque vide mais qui arrive à se gaver de sa propre vacuité. C'est drôle car pour ma part, j'ai trouvé ce fait certes sans intérêt, mais quand même intéressant. Alors pas pour ce qu'il dit de l'époque, dont il n'est qu'une infime facette, mais de nous. L'attachement que l'on a à voir des gens connus et à graver dans le marbre que ces gens connus sont passés par là. Pourquoi donc vouloir garder des traces, des marques, de la célébrité. Qu'est-ce que ça prouve? En quoi ça transforme un lieu, un geste ou un objet? You know, when you got it right, you got it right. Whether you're talking about this, or whether you're talking about the one and only Diet Cola that does it for Ray, Diet Pepsi. You know, nothing tastes as good to me as Diet Pepsi. Hmm. All right, now who's the wise guy? New Diet Pepsi, with 100% Nutrasweet, the taste that beats Diet Coke. Entre Ray Charles qui chante pour une publicité Pepsi et le restaurant KFC de Strasbourg-Saint-Denis qui se vante d'avoir eu les West Kardashians devant une de ses bornes, quelle différence, hormis peut-être l'argent? Et quelle différence avec ces photos jaunies qu'on trouve collées dans certains restaurants pour prouver que des stars y ont mangé? Avec toutes ces plaques qui commémorent la présence de tel artiste ou tel écrivain dans tel immeuble à Paris? Avec tous ces reportages volés ou non des stars en vacances? Faire acheter ou faire sourire, enchanter ou consterner, on peut passer sur la différence de traitement entre des célébrités louables et d'autres méprisables, entre des lieux ou des supports distingués et d'autres non. Il y a quand même ce fait frappant que la célébrité ajouterait toujours quelque chose à une chose somme toute ordinaire. Mais alors quoi? Il y a bien sûr ce côté paillette, poudre aux yeux, ce charme dont personne n'est dupe mais qui donne de l'attrait à une chose. Il y a aussi cette idée tant développée de l'identification aux célébrités et celle aussi de la substitution des idoles aux divins. Mais au fond, et c'est ça le paradoxe, on sait bien que ça ne transforme rien, que ça n'ajoute rien, ni au goût du soda, ni au cadre d'un restaurant, ni à un immeuble. Alors que se passe-t-il avec les gens connus, parfois sans intérêt, mais qui nous intéressent quand même? I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Dire qu'on s'attache aux stars parce que l'époque est vide n'a aucun intérêt. Mais dire à l'inverse qu'on s'attache aux stars parce qu'elles donnent du relief à nos vies ou nous guident n'est pas vrai. Alors quoi? Quelque chose se joue bien, mais quoi? Je crois que tout est en fait dans cette idée de personne connue. Une personne connue n'est pas qu'une personne qui nous surplombe, mais une personne que tout simplement on connaît tous, plus ou moins. C'est une figure que l'on a en commun. Alors peut-être qu'elle est dérisoire, mais peu importe. L'important, c'est que les stars ne brillent pas, mais égayent nos conversations. Elles n'illuminent pas notre monde, elles lui donnent de la matière à partager ensemble. Comme vous, Géraldine, à ce micro, tous les matins, vous êtes notre star du journal de la philo. C'est trop, c'est trop. Un journal à réécouter en ligne. Et les stars dans cette émission, eh bien, c'est l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Jules Barbier, en compagnie d'Isis Jourda, Manon de la Selle, Clara de Giovanni, vous-même, Géraldine Mosna-Savoie, bien sûr, Anaïs Isbert également, Thomas Beau qui réalise cette semaine, Alexandre Dang à la prise de son, Georges Kless à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Épicure. Demain, on parlera d'atomisme, du matérialisme d'Épicure en compagnie de Julie Giovacchini. Qu'est-ce donc que cet atomisme d'Épicure? Est-il légitime de parler de bombe atomiste en ce qui le concerne? On se posera la question demain à 10h. Merci pour le jeu de mots. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture, la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster. Pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Nous serons ravis de vous retrouver. Rendez-vous demain donc à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.